Pourquoi le don est-il au cœur de l'éthique? L'image de l'éthique, du bien, de la vertu, de la morale n'est pas par hasard associée à l'expérience et à la notion du don. Qu'y a-t-il de plus moral en apparence qu'un don? Le don, c'est la générosité pure. C'est l'envie de porter assistance à quelqu'un, de lui apporter un bienfait ou quelque chose qui peut améliorer sa vie, quelque chose ou un acte, car on peut aussi donner de sa personne, pour lui-même et sans intention préalable, sans intention personnelle, en quelque sorte un don pur. Et comment l'éthique pourrait-elle être possible sans cette générosité absolue? N'est-elle pas immédiatement le comble de l'éthique à sens unique, en quelque sorte, de moi-même, m'absentant de moi-même vers autrui dans sa transcendance, le don et le pardon étant alors de toute évidence le sommet de la relation morale? Pourtant, cette hyperbole morale du don, qui en fait le sommet immédiat de l'éthique, nous masque peut-être la raison profonde pour laquelle le don est en réalité au cœur, en effet, de l'éthique, mais de manière plus précise qu'on ne pourrait croire. Pour le comprendre, il faut repartir de la manière dont le don est au cœur, non pas de l'éthique en général, mais de la bioéthique aujourd'hui. Par exemple, dans le don d'organes. Pourquoi le don est-il au cœur de la bioéthique? Eh bien, c'est précisément parce que un organe, même une partie de nos corps comme le sang, comme aussi aujourd'hui les données de santé, tout ce qui vient de nos corps n'est pas un objet comme les autres. Cela fait partie de nous-mêmes. C'est pourquoi le transfert de ces objets d'un humain à un autre ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement forcé, ni même d'un échange économique, mais doit venir simplement de l'intention de celui à qui appartiennent ces parties de son corps, le corps faisant partie de sa personne. Le don est le seul moyen de transférer ce qui n'est pas exactement un objet d'une personne à une autre. Le don est la relation interpersonnelle comme telle. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une sorte de générosité abstraite ou mystique, mais une modalité d'échange très précise entre les humains qui manifeste la relation personnelle comme telle. C'est pourquoi aussi nous donnons de manière anonyme et les receveurs d'organes, nous ne savons pas qui ils sont et pourtant il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait un contrôle du transfert de la personne qui donne à celle qui reçoit, même si cela reste des personnes qui sont inconnues les unes aux autres. C'est pourquoi le don est au cœur de l'éthique. C'est qu'il est une relation interpersonnelle très précise et pas seulement une sorte d'hyperbole mystique de la générosité pure qui en est évidemment une forme de limite, mais à l'autre limite. Et c'est pourquoi le don est présent dans toutes les relations interpersonnelles. Il faut bien comprendre que, comme on dit, c'est l'intention qui compte et qu'il peut y avoir aussi des intentions négatives, qu'il y a des dons ambivalents, qu'il y a des dons pervers, qu'il y a des cadeaux empoisonnés, qu'il y a des dons délibérément cruels, que l'expression « donner la mort » ou « donner un coup » a aussi un sens. Bref, que le don n'est pas seulement une partie parmi d'autres des relations personnelles et toujours positives, mais est au cœur de toutes les relations interpersonnelles dans toute leur ambivalence. Oui, donnons la vie plutôt que la mort, donnons un cadeau plutôt que des coups, mais en sachant que le don traverse toutes les relations entre les humains.